Voici un hors-série de La Courte Échelle. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce hors-série de La Courte Échelle. Alors, habituellement, les hors-séries nous servent à nous remémorer les titres des deux premières saisons. Aujourd'hui, la programmation de celui-ci sera un peu différente et un peu particulière puisque nous allons écouter de la musique country rock du Québec. Des artistes à découvrir, tel Tali Boyer qui va débuter cette émission. La chanteuse des natifs de l'Outaouais, elle est autodidacte, autoproductrice, auteure, compositrice, interprète. Elle est sur scène depuis qu'elle a 7 ans. Aujourd'hui, elle transmet sa passion des arts de la scène dans le cadre de sa carrière d'éducatrice en service scolaire depuis plusieurs années. La voici avec « Tu m'aimes, tu m'aimes pas ». Durant la pandémie, l'auteur-compositeur Stéphane Moreau réalisait tous les samedis soirs un live sur les réseaux sociaux et ce live était suivi par plus de 12 000 personnes. C'est dire son succès au Québec. Le voici avec Dans mon salon, Stéphane Moreau. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Le dixième samedi que je rentre pas à maison. Tu gères la danse, le ski, le ménage du salon. Et ta mère, ta famille qui viennent te dépanner. En danse jusqu'aux petites heures, moi je continue de chanter. Je gagne ma vie en chantant du country. J'ai les bottines usées pis le cœur ben fatigué. Le millième samedi que je rentre pas à maison. Tu m'envoies des photos de la grande en compétition. J'ai des photos de vous autres dans mon caisse de guitare. Encore une fois, je me retrouve à veiller tard. Je gagne ma vie en chantant du country. J'ai les bottines usées puis le cœur ben fatigué. Je reviens à maison. J'ai emballé ma guite, ma rage, puis mes chansons. C'est grâce à toi, je le sais que les petits ont bien grandi. Maintenant, moi, mes samedis, je les chante dans mon salon. Je gagne ma vie en chantant du country. J'ai les bottines usées, puis le cœur. Je gagne ma vie en chantant du country. Au Québec, quand on parle country, on parle bien sûr de la famille d'Arèche. Voici Katia. Après 17 ans d'absence, elle est revenue au printemps 2021 avec Donne-moi la main. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Donne-moi la main, j'irai pas trop. Je connais le chemin, je l'ai vu toute petite. Je connais tous ces raccoins. Donne-moi la main, tu peux me faire confiance. Donne-moi la main, si t'as peur, serre-la plus fort. Y'a pas de prédateur, j'ai vu le décor. Donne-moi la main, je connais la distance. Que tu tournes à change rien, à quoi bon de courir, on y sera demain. Donne-moi la main, disons ce que tu penses. Si tu veux ralentir, laisse-moi te dire. Lâche pas, on arrive, regarde plus loin, le soleil brille. Lâche pas, fais-moi ton plus beau sourire. Donne-moi la main, n'aie pas de résistance. Si tu veux retenir, laisse-moi te dire. Lâche pas, on arrive, regarde plus loin, le soleil brille. Lâche pas, fais-moi ton plus beau sourire. Dani Sauvageau, c'est l'histoire d'un succès surprise à l'international pour un artiste déjà vedette dans son coin de pays. La Société des droits d'auteur canadienne en 2017 lui a annoncé qu'il avait perçu beaucoup de redevances parce que ses trois chansons avaient énormément tourné à l'international sans même qu'il le sache. Dani Sauvageau nous interprète Le Grand Méchant Loup. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. les petits cochons en crachotant sur leur maison. Et tire les tire-bouchons. Comme avec toi, le vin est bon. As-tu entendu le potin? Ce que j'ai fait de lâcher, va se gare. André Varin est un artiste country dans l'âme. Il a grandi avec les airs country que son père écoutait inlassablement. Il est un habitué de la courte échelle. Le voici avec Avant toi. Bien sûr, il y avait des jours sans pluie, des petits trous bleus dans les nuages gris, une pause avant l'averse soudaine. Bien sûr, il y avait des jours sans vent, une accalmie en attendant que l'orage et ses bourrasques reviennent. C'était avant toi. Faisait naufrage. Bien sûr, il y avait des jours de paix, une trêve à la guerre des mots, mais les conflits tiraient tout dans son sillage. C'était avant toi. T'as éclairé mon chemin, j'étais perdu avant toi. Les hors-séries de la courte échelle. À suivre. Avec ses deux samoyèdes blancs, s'allonger sur le chaise en tech, même en les regardant en pleine face, rien ne peut leur clouer le bec. Il s'appelle Anastasia, Olga, Tatiana, Christina. Tout dépend des jours, je crois, du nombre de vodka qu'elle boit. Mais qu'elle s'en rappelle ou pas, elle connaît toutes les astuces de la vie de poule de luxe, la poupée russe. Ses plantes vertes, elle tresse ses cheveux en strimoussant. Elle pense à ce que l'argent achète de gadgets et de sentiments, en peaufinant son numéro. Après le câlin suit la claque, au resto comme au casino, elle se donne au max en spectacle. Et s'appelle Anastasia, Olga, Tatiana, Christina. Tout dépend des jours, je crois, du nombre de vodka qu'elle boit. Mais qu'elle s'en rappelle ou pas, elle connaît toutes les astuces de la vie de poule de luxe, la poupée russe. Entre l'ennui, les emplettes, le temps joue à la roulette. Sous sa capuche de velours gris se cache un loup de Sibérie. Il s'appelle Anastasia, Olga, Tatiana, Christina. Tout dépend des jours, je crois, du nombre de vodka qu'elle boit. Mais qu'elle s'en rappelle, de la vie de poule de luxe, la poupée russe. Son bail finit dans un mois, mais je suis pas en peine pour elle, car elle connaît bien toutes les astuces de la vie de poule de luxe, la poupée russe. Et vous pouvez le constater, nos artistes ne sont pas à court d'imagination. Elle est fertile, leur imagination, pour trouver des sujets de chansons comme François Guy avec La Poupée Russe. La suite, c'est avec C'est la saison, Mac Hero. Vous voyez que l'imagination est au pouvoir. Kalinka, kalinka, kalinka, maya. Kalinka, kalinka, kalinka, maya. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Pour comprendre ce qui nous rend heureux, pour comprendre ce qui rend le ciel bleu, c'est bien facile. Quand la saison d'amour nous entraîne, c'est un sourire dès le lever du jour qui nous fait dire plus que des mots d'amour. Comment décrire ce qu'on ressent en soi quand on aime? Comme un oiseau qui revient pour l'été, oui, comme un ruisseau courant dans la vallée, comme un cours d'eau, je me laisse emporter, c'est la saison. Le monde est honnête à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi dit que c'est saison. Qui me donne la vie, c'est la raison. Pour comprendre d'où vient l'air parfumé, pour comprendre ce qui nous fait rêver, c'est bien facile. Quand la saison d'amour nous entraîne, c'est le printemps qui vient nous transformer. Ce sont nos 20 ans qui nous disent d'aimer. La joie de vivre ne nous quitte jamais quand on aime. Comme un oiseau qui revient pour comme un ruisseau, courant dans la vallée et comme un cours d'eau. Je me laisse emporter ces saisons. Le monde est beau, tournait à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi dit ces saisons qui redonnent la vie. Écoutez hors série de la courte échelle. À un autre soir, poigné à maison, ce n'est que le début, comme de raison. Toutes ces questions, c'est l'état d'urgence. Écoute mon champion, c'est pas le temps de prendre de chance. Le monde entier est pris par surprise. Il y a ce virus qui traîne dans l'air. La planète Terre qui est en crise. Et comme bonus, j'en perds mes repères. Je me compte chanceux d'ouvrir les yeux. À chaque matin quand j'écoute les nouvelles, c'est dangereux. Prenons-le au sérieux. Pensez à nous devient l'essentiel. Restons chez nous, prions le ciel qui nous protège encore. Étends sur nous ton arc-en-ciel, de l'est à l'ouest, du sud au nord. C'est une première de notre histoire. Pour être ensemble, faut s'éloigner tant qu'il y aura. Restons chez nous, restons chez nous, restons chez nous, ça va bien aller. Quand ton voisin couvert de larmes compte les morts aux 24 heures, ça me fait bizarre de regarder dehors. Les rues sont vides, c'est le désert. Y a juste le vent derrière le corbillard. Les carvaillants sont déjà à la guerre. Je veux qu'on chanceux d'ouvrir les yeux. Chaque matin, quand j'écoute les nouvelles, c'est dangereux. Prenons-nous au sérieux. Pensez à nous devient l'essentiel. Restons chez nous, prions le ciel qui nous protège encore. Étends sur nous ton arc-en-ciel, de l'est à l'ouest, du sud au nord. C'est une première de notre histoire. Pour être ensemble, faut s'éloigner tant qu'il y aura toujours de l'espoir. Et que le remède, c'est ton foyer. Restons chez nous, restons chez nous, restons chez nous. Ça va bien aller. Restons chez nous, vous l'avez deviné bien sûr, Louis Bérubé a écrit et chanté cette chanson pendant le Covid. Arrive Chasse et Pêche, interprété par Yanni Denis, le duo Country. Restons chez nous, ça va bien aller, ça va bien aller. La courte échelle. On s'est acheté des trocs, aussi haut que des tracteurs. Maintenant, on pogne juste les gros modèles. C'est pas pour se vanter, ça prend des gros moteurs. Quand faut-tu tirer des grosses bébelles? Maintenant, au camping, toutes les têtes se tournent comme s'ils venaient de voir Paul Darèche. Je vous dis, y'a rien de trop beau quand on veut notre photo sur le cover de Chasse et Pêche. Je veux voir nos faces sur le cover, avec notre gros bateau sur un trailer. Je veux voir nos faces de bombes sur le cover de Chasse et Pêche. Toujours le cooler plein, prêt à rentrer tard. Le bateau rempli à côté. Les cannes à pêche en or avec des appâts chromés. Un peu show-off, jamais déplacé. Quand on vient à roulotte d'une caisse pleine de doré, nos femmes ont de quoi faire le fraîche. Ben c'est comme ça qu'on sent quand on sourit à pleine dent sur le cover de Chasse et Pêche. Je veux voir nos faces sur le cover, avec notre gros bateau sur un trailer. Je veux voir nos faces de bombe sur le cover de Chasse et Pêche. Oh oui, chauffe-moi ça, Denis. Tout le gear, toujours acheter le dernier cri. Faire tous les festivals, empêcher plus que les autres, puis toujours gagner toutes les prix. Même si on change de look, on se fait pousser des barbes. Je vous dis qu'on s'est cassé la tête. On n'est pas capable d'avoir notre photo sur le cover de Chasse et Pêche. Je veux voir nos faces sur le cover, avec notre gros bateau sur un trailer. Je veux voir nos faces de bombes sur le cover de Chasse et Pêche. Je veux voir nos faces sur le cover, avec notre gros bateau sur un trailer. Je veux voir nos faces de bombes sur le cover du Chasse et Pêche. Ouais, ouais, ouais. Oui, monsieur. Les hors-série de la courte échelle, à suivre. Trace d'ours, le groupe a du succès au Québec, le voici avec Passer le temps. Fait une couple de semaines que t'occupes toutes mes pensées. Dans ma douche, le matin, jusqu'à ce que je revienne de travailler. Avec tes yeux couleur noisette, pis ton sourire qui me fait craquer. Je voudrais bien parler de ton corps nu, mais faudrait bien le déshabiller. C'était il y a 4 à passer dans un bar, tu peux pacter, tu m'avais shooté ton petit nom. Puis comme un bœuf qui se fait marquer, je l'avais jamais oublié. C'est là que t'as starté entre les shots de sortilège puis la musique de fucky. C'est avec toi que je veux passer le temps, mettre la bague au doigt puis que nos petits cœurs collent comme deux aimants. C'est avec toi que je veux passer le temps, avoir deux, trois flots pis se trouver beau avec nos cheveux blancs. Je pense à nos raids de char en écoutant Caillouche, nous, oui, week-end en camping ou quand qu'on va pêcher à mouche. Tirer du gun perdu dans le bois en se buvant du coureur des bois. C'est ça qui m'a séduit pour vrai, autant que la beauté de la forêt. Quand tu te levais le matin avec tes cernes jusqu'aux oreilles, j'ai trouvé belle like ton air bête pis ta mauvaise haleine, j't'embrassais pareil. J'sais que j'suis pas tout le temps évident pis que j'ai un hostie de tempérament, mais grâce à toi j'me sens bien, surtout la face entre tes deux seins. C'est avec toi que j'veux passer le temps, te mettre la bague au doigt pis que nos petits cœurs collent comme deux aimants. C'est avec toi que j'veux passer le temps, voir deux, trois flots pis se trouver beau avec nos cheveux blancs. C'est avec toi que j'veux passer le temps, te mettre la bague au doigt pis que nos petits cœurs collent comme deux aimants. On ne présente plus Michel Léonard dans La Courte Échelle. On l'a découvert avec justement cette chanson « Je chante pour vous ». Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Donc faites-vous aller. Si vous aimez pas danser, frappez des mains, tapez du pied, vous me faites le plus beau cadeau. Je suis heureux, les yeux pleins d'eau. Je vous salue, mes bons amis, content de vous voir tous ici. Toujours là pour écouter, toujours là pour m'encourager. Et vous êtes venus faire le party, je vois que vous vous amusez. Ne vous gênez surtout pas, allez chanter avec moi. Quand je chante, j'oublie le temps. Je suis si bien, c'est épatant. Ainsi, je peux démontrer mes sentiments au monde entier. Et les chansons que je compose sont parfois tristes, parfois drôles. Je les chante avec tout mon cœur. Pour moi, c'est ça le vrai bonheur. Je vous salue, mes bons amis, content de vous voir tous ici. Toujours là pour écouter, toujours là pour m'encourager. Et vous êtes venus faire le party, je vois que vous vous amusez. Ne vous gênez surtout pas, allez chanter avec moi. J'ai du plaisir, de l'agrément, chanter pour vous c'est si plaisant. Vous êtes un public en or, le salaire de tous mes efforts. De vous voir tous si heureux, je vous dis c'est merveilleux. Une autre belle soirée country, je suis pas prêt de l'oublier. Je vous salue, mes bons amis, content de vous voir tous ici. Toujours là pour écouter, toujours là pour m'encourager. Vous êtes venus faire le party, je vois que vous vous amusez. Ne vous gênez surtout pas, allez chanter avec moi. Je vous salue, mes bons amis, content de vous voir tous ici. Toujours là pour écouter, toujours là pour m'encourager. Vous êtes venus faire le party, je vois que vous vous amusez. Ne vous gênez surtout pas. Un autre artiste à découvrir dans cette émission, il s'appelle Karl Bastien avec Ton Sourire. Allez chanter avec moi. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Besoin. faire le plein. J'suis déjà dans mon cercueil, c'est triste d'être seul. C'est de toi dont j'ai besoin. Ton sourire me fait penser à un cœur qui n'a jamais pleuré. Dis-moi des mots doux. C'est triste d'être seul. C'est de toi dont j'ai besoin. Ton sourire me fait penser à un cœur qui n'a jamais pleuré. Et quand je vous disais un peu plus avant dans l'émission que les artistes québécois avaient de l'imagination, voici Ryu avec Jack et Daniel. Comprenne qui pourra. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Jack touchait du bois près du grand lac de Saint-Victor. Il était courtois en discutant avec les castors. Excusez-moi, au nom du roi, je ne prends que ce qu'il me faudra. Au fil du temps, on vit d'une clairière. Malin, on perdit toute bonne manière. Excusez-moi, au nom du roi, je prends tout ce que je veux car j'y ai droit. S'il faut que je prenne tout ce que tu as, j'irai bûcher même ton toit. S'il faut que je prenne tout ce que tu as, comme au porteur de carquois. De l'or en vendant quelques pots, dit au castor qu'il lui fallait de grands chapeaux. Excusez-moi, il fait si froid, je ne prends que ce qu'il me faudra. S'il faut que je prenne tout ce que tu as, j'irai bûcher même ton doigt. Je prenne tout ce que tu as, comme au porteur de carquois. Laurie Leblanc est auteur, compositeur, interprète en pleine ascension et très populaire dans son pays. Le voici avec Juge-moi pas. écouté un hors-série de la courte échelle. Avec le même habit, juge-moi pas, je suis comme toi. Ça a l'air qu'on est tous nés des petits génies, juge-moi pas, juge-moi pas. Même si on n'est pas pareil, y'a pas de raison de me juger. On aime tout le soleil et on veut tout se faire aimer. On cherche juste le respect et un peu d'amitié. Juge-moi pas sans avoir marché dans mes souliers. Même si on s'habille un peu différent, c'est ok. Juge-moi pas. Même si on partage pas la même opinion, c'est ok, juge-moi pas. Même si on n'est pas pareil, y'a pas de raison de me juger. On aime tout le soleil et on veut tout se faire aimer. On cherche juste le respect et un peu d'amitié. Juge-moi pas sans avoir marché dans mes souliers. Pareil, y'a pas de raison de me juger. On aime tout le soleil et on veut tout se faire aimer. On cherche du respect et un peu d'amitié. Juge-moi pas sans avoir marché dans mes souliers. Dans mes souliers, jugement pas. Les hors-séries de la courte échelle à suivre. Dave Puax s'inspire de son vécu, de ses amis, de faits réels, de son entourage, de sa communauté. Ancrer ses chansons dans la réalité de sa communauté, de la forêt et de la mer est une nécessité, estime-t-il. Voici le coin de la table. Caché dans le garage, puis je branle sur l'établi. Je me suis collé sur tes bottes de poêle pour me réchauffer. Une bonne senteur. Verser toutes les larmes que j'ai dans le corps. J'ai beau prier le bon Dieu, j'y crois pas encore. J'ai beau regarder par en avant, j'ai beau avancer comme un grand, mais ton nom est resté gravé sur le coin de la table à maison. J'ai tout vidé, le lave-vaisselle, tout mis ça. Comme un jaune d'œuf dans le fond de l'assiette, t'es dur à décoller. J'ai rempli des sacs à poubelle de souvenirs de nous deux. Ça me fait de la peine de nous laisser au chemin, me semble qu'on était heureux. J'ai beau verser toutes les larmes que j'ai dans le corps, j'ai toutes les larmes que j'ai dans le corps. Artiste à découvrir également dans cette émission, De La Roseville avec une banale histoire. La courte échelle. Commencé la pratique de la guitare dès son plus jeune âge, ses premiers accords furent pour jouer de la country. La voici avec Cowboy des temps modernes. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Dans les bars où j'ai eu du fun, crois-moi. métier. Toute ma vie, je l'ai passé dans des chambres ou des chambres d'hôtel, où j'ai connu des demoiselles. Je suis sur un stage pour m'amuser. Encore une autre soirée, je vais mourir quelque part dans un bar en train de jouer de la Jacques Lavoie est originaire de Québec. Il provient d'une famille active et créative, à la fois biculturelle et bilingue. En tant qu'auteur-compositeur, il a remporté de nombreux prix. C'est avec lui que va se terminer cette émission. Je t'aime par cœur, à Jacques Lavoie. Écoutez hors série de la courte échelle. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je compte plus les années, nos secrets. Tu es comme une partie de moi. Tu es comme la force dans mes bras. Oh, dans mes bras. Oh, oh, oh. Tu es mort, t'es le cœur, t'es mon âme sœur. Je t'aime par cœur, je t'aime par cœur. Na na na na. Depuis le temps qu'on se connaît. T'es mon présent, mon imparfait. Tu es comme la folie dans mes joies. Tu es comme la trace de mes pas. De mes pas. Oh, oh, oh. Tu es mon trip de cœur. T'es mon âme sœur. Je t'aime par cœur, je t'aime. Tu es mon trip de cœur, t'es mon âme sœur. Je t'aime par cœur, je t'aime par cœur. Ça fait longtemps que tu me plais. Malgré les vents, malgré nos plaies. Tu es comme la paix dans mes émois. Tu es comme l'avenir de mes choix. De mes choix. Oh, oh, oh. Tu es mon trip de cœur. T'es mon âme sœur. Je t'aime par cœur. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de ces chanteurs canadiens. On se retrouve très bientôt pour La Courte Échelle, l'émission hebdomadaire, ou pour un autre hors-série. En attendant, soyez heureux. je t'aime par cœur. Votre instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.